Et la loi, parmi toutes les lois, la loi de Murphy, se tient au-dessus de toutes les autres. Comme un putain de convive qu'on n'a pas invité à la fête. Quel que soit ton champ d'expertise, Murphy, il est là pour te perturber, pour te retarder ou pour te frustrer. Plus vous ferez d'efforts, et plus vous serez contrarié. À croire que j'éteins le sale débat, faut pas se leurrer. À croire que la tartine retombe toujours du côté beurré. On crée de la lumière pour voir au fond de vie, mais ça change pas, la subversion fait partie de nos à vies. À croire que j'éteins le sale débat, faut pas se leurrer. À croire que la tartine retombe toujours du côté beurré. On crée de la lumière pour voir au fond de vie, mais ça change pas, la subversion fait partie de nos vies. Le timing des néfastes, en solitaire ils se prélassent en se disant rien à foutre, j'ai fait mon beurre, je suis à Caracas. Cocktail soleil de plomb, parfois ils songent à son garçon, mais elle dit suis-je prison, trop tard pour l'éducation. Quoi qu'on aime, c'est illégal, immoral, grossir la cause au plaisir, l'excès d'être l'esclave lorsqu'on succombe sous le poids de nos désirs. Quand McDo l'actise et le shit anime nos envies, les excuses nous donnent une bonne conscience, mais le fardeau reste l'ennui. Ça s'encourage et bois des verres pour la prochaine fois. Le bac tu l'auras, on croit tous en toi. Mais la compassion sans la tiépie quand il observe ses beaux frères, mon doute s'approfondit, niveau sentiment sincère. Quand on est jeune, les jours sont courts, les années longues, les gens sont lourds. Quand on est vieux, les années comptent, course les journées longues, elles manquent d'amour. Le vieux torche la culotte pour ton mieux, rêve d'un retour, compte à rebours, même le plus jeune vieillit de jour en jour. À croire que j'éteins le sale débat, faut pas se leurrer. À croire que la tartine retombe toujours du côté beurré. On crée de la lumière pour voir au fond du puits, mais ça change pas, la subversion fait partie de nos vies. À croire que j'éteins le sale débat, faut pas se leurrer. À croire que la tartine retombe toujours du côté beurré. On crée de la lumière pour voir au fond du puits, mais ça change pas, la subversion fait partie de nos vies. L'absence d'un être cher réduit les passes au minimum. Augmente la poule profonde, restreint l'éloquence qu'elle envenime comme le vent. Les bougies s'éteignent. Son souffle innocent, les vents attisent les flammes de l'amour incandescent. Les jeunes sont des cons remplis de souvenirs d'antan. Je sais que j'étais pas comme ça dans mon jeune temps. La vieillesse l'affaiblit, tombant parfois dans l'oubli. Ses souvenirs de vol de voiture s'effacent de sa vie. La dernière chance tourne mal, malheureusement. Les plans qu'on fait subissent les effets non voulus. Des jugements ignorants, pourquoi prévoir si rien ne se passe comme prévu. J'avais pas vu l'imprévu, j'ai revu de près le manque de recul nous tue. Petit joueur amateur de roulette russe sans balle, sans garde, il presse sa détente, riant de ses blagues à deux balles. L'habitude dissout la prévention, mais ça n'a pas changé. La roue tourne comme sa roulette, mais cette fois-ci c'est chargé. Eh hey, mais les gars, si Eddie avait tiré sur tout le monde, il aurait jamais été le flic de Beverly Hills. Mais quoi? Qu'est-ce que tu racontes? À croire que le chétan le sale débat, faut pas se leurrer. À croire que la tartine retombe toujours du côté beurré. On crée de la lumière pour voir au fond du puits, mais ça change pas, la subversion fait partie de nos vies. À croire que le chétan le sale débat, faut pas se leurrer. À croire que la tartine retombe toujours du côté beurré. On crée de la lumière pour voir au fond du puits, mais ça change pas, la subversion fait partie de nos vies. Eh hey, mais pourquoi moi quand je fais un CV, il se retrouve toujours, c'est toujours le plus beau CV qu'on trouve dans la lettre de, dans la poubelle de l'employeur, tu vois. Si tu fais bien attention à tout, tout. C'est pas logique quoi, je veux dire, merde, à chaque fois qu'on ferait quelque chose de bien, mais il y aura toujours quelque chose ouais, qu'on mais est contre ouais, quoi. Mais... T'as fait ouais, mais là, mais si tu regardes, oui, c'est pas pareil. Si la tartine retombe du côté du beurre, ça dépend juste de la hauteur de la table. C'est tout. On peut faire ça comme ça. Mais c'est la loi d'Eddie Murphy. Non, c'est la loi de Murphy. En fait, c'est la destinée, non? La fin, c'est la vie. Il y a quelqu'un qui a compris le thème là. Personnellement, j'ai bien pigé quoi. Eh, mais il est bourré l'autre là-bas, non? On l'a écouté toute la soirée, putain. Parce que là, j'ai vu des plateaux et des trucs. Bon, là, je vous parie, ça, c'est du sans indice. Avec eux, on comprend jamais mais là, rien. Mais Philippe, t'es pendu. Arrête. Ouais. Très. Ouais, bon, bah, on se la remet. Ouais, vas-y.